La misère à son âge, c'est dur. Oh, c'est épouvantable. C'est épouvantable parce que tu t'obstines à considérer ce mariage comme une calamité, ce qui est faux, entends-tu? Archi faux! Parmi toutes les jeunes filles que nous connaissons, il n'y en a pas une qui ne voudrait être à la place d'Anne-Marie en ce moment. Pas une! C'est leur rêve à toutes d'épouser Bob Laroche. Mais elles sont pas difficiles. Ah. J'en connais qui en feront une maladie quand elles apprendront ça. Non. Nous ne pouvons pas exiger de cet enfant. Mais qui te parle d'exiger? Alors, il n'est pas question de ça. Non. Nous pouvons toujours lui demander son avis. Bah, il s'en... Non. Si nous lui disons que ce mariage nous sauvera de la ruine, elle est capable, dans son bon cœur, de sacrifier. Ou alors, il ne faut pas lui parler de cette question-là. Tu ne peux pas ne pas lui dire la vérité. Elle serait en droit, un jour, de te le reprocher. Oh. Oui, je vais toujours l'envoyer chercher. Oui, mais alors, il vaudrait peut-être mieux que nous soyons seuls avec Suzy pour lui parler. Oh, je n'ai pas l'intention de rester ici, monsieur. Nous descendez la rivière, priez mademoiselle Anne-Marie de bien vouloir venir ici. Bien, monsieur. Et quand madame Laroche arrivera, conduisez-la directement à la tonnelle, sans passer par ici. Eh ben voilà. Vous ferez ce que vous voudrez, naturellement. Mais j'estime, moi, que vous ne devez rien cacher de la situation à Anne-Marie. Une enfant, que diable. Une fille raisonnable, qui doit se décider en toute connaissance de cause. Enfin, voilà mon avis. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, Suzy? Me semble que Jérôme a raison. Ben voyons, c'est évident. Oui, mais alors, il est bien entendu que nous la laissons absolument libre de faire ce qu'elle veut. Mais naturellement. Et ça va de soi. Vous lui exposez la situation telle qu'elle est. Hein. Et puis c'est elle qui décide. Bon, et nous ne ferons rien qui puisse l'influencer. Écoute, c'est toi qui lui parlera. Tu seras tranquille. Oui. Oui, mais en fait, tu ne l'influenceras ni dans un sens ni dans l'autre. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, Jérôme. Ma chérie. Bon ben. Oh, merveilleux. Hein. Vous avez reparlé? Non, pas moi, mais tes parents. Je te laisse avec eux. Mm-hmm. Voilà. À tout à l'heure. Bon, voilà du mystère. Qu'est-ce qui se passe? Asseyez-toi. Tu n'as pas froid dans ce costume? Non, non, je me suis séchée au soleil. Il faudrait peut-être mieux qu'elle aille se changer. Mais non, papa, je t'assure, j'ai très chaud. Non? Eh bien, viens ici que je vois si tu es sèche. Oui. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ton père va te le dire. Ah, qu'est-ce que je donnerais pour que nous ne soyons pas venus ici? Oh, bah alors écoute, si tu commences comme ça... Oh, bah non, vous me faites peur tous les deux. Oh, y'a de quoi, mon petit? C'est ce que tu veux, moi, ça me rend malade, cette histoire-là. Ah, tu es là, Anne-Marie, je te cherchais partout. Ah oui, mon père, papa... Tu disparais tout d'un coup sans crier. Hein? Papa avait reparlé. C'est un secret? Oh, mais non. Mais non, ma petite maman, c'est pas un secret. C'est un jour à secret, aujourd'hui. Anne-Marie? Oui. Je monte dans ma chambre. Ah oui, grand-mère. Tu as compris? Oui, oui. Je t'attends. Attendez. Eh ben, mon petit papa, je t'écoute. Voilà. Voilà. Ta maman et moi. Moi et ta maman. Oh non, dis-lui, moi je peux. Oh, tu es ridicule, Marcel. Tu finiras par l'impressionner avec ta façon de dramatiser les choses. Oui, enfin, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il paraît que Bob Laroche est amoureux de toi. Non. Tu ne t'en doutais pas? Moi? Il ne t'a jamais rien dit qu'il puisse te le faire supposer? Oh, jamais, non? Ça, il me regardait souvent, il passait son temps à prendre des photos de moi, mais c'est tout! Eh bien, il paraît qu'il t'aime comme un fou. Pas possible! Mais au point d'en avoir perdu le sommeil et l'appétit! Oh là là, non! Avec quelle histoire! Mais c'est tellement sérieux, ma chérie, qu'il veut t'épouser! Non! Sa mère a chargé ton oncle de nous demander ta main. Oh là là! Eh ben! Crois-tu, hein? Oh! Ah ben ça, tu peux le dire, alors. Par contre, je pense que si nous n'étions restés à Paris, tout ça ne serait pas arrivé. Mais enfin, le reste non plus ne serait pas arrivé. Tais-toi, tais-toi. Rien. Bon. Qu'elle nous dise d'abord sa première impression. Quel effet ça fait, dit? Quel effet ça me fait? L'idée d'épouser ce garçon. Oh bon. Ça te paraît possible ou au contraire Je sais pas ce que tu veux que je te dise, moi je suis ahurie. Ouais. Il faut bien que tu saches, ma petite fille, que jamais nous ne te forcerons à l'épouser si tu ne le veux pas. Bien là, ça, je t'en donne ma parole d'honneur. Oh, ben, je le sais bien, papa, voyons. Oh. Nous ne la forçons jamais à se marier contre son gré, elle le sait très bien. Seulement, il est assez naturel qu'elle connaisse les avantages de ce mariage avant de se décider. Oh ben ça, tu sais, les avantages, je les connais. Hein. Ils sont pas très faciles à deviner, quoi. Il est très riche, mais... naturellement. Oh. Très riche et fils unique par-dessus le marché. Tu aurais cette magnifique propriété à côté d'ici que tu connais. Une très belle maison en ville. Un grand hôtel à Paris. Une villa dans le midi. Un yacht. Un yacht comment? Mais il est très beau, sûrement. Oui, mais tout ça, c'est à Mélanie. Provisoirement. Elle ne sera pas éternelle, Mélanie. Comment, elle est plus jeune que moi? Ah, dis-toi, c'est une belle-mère charmante, avec laquelle je suis sûre que tu t'entendrais très bien. Oui, oui, oui. Tout ça, vois-tu, ce sont les avantages. Mais... il y a aussi les inconvénients. Oh, ben je les connais aussi, tu sais. Parce que ce garçon, remarque, est peut-être très gentil. Mais oh, ça, il n'est pas méchant. Non, il n'est pas méchant. Mais à ton âge, puis enfin, joli comme tu es, bah, c'est peut-être pas précisément le mari ouais, qui... Ne donne pas la peine, mon petit papa, va. Nous sommes d'accord. Ah bon? C'est tout? Ah non, c'était pas tout. Il y a encore quelque chose qu'il faut que tu saches. Et quelque chose de grave. Oui, mais rien de grave pour toi. Mais pour qui alors? Ah, oh, pour Jérôme. Mais et pour toute la famille. Pour nous aussi. Bonjour, Bob. Bonjour, vous allez bien? Merci. Bonjour, monsieur. Anne-Marie. Oui, Bob. Maman. Maman, on va vous dire que... Quoi? Qu'elle serait contente d'avoir votre avis là-dessus. Qu'est-ce que c'est? Non, attendez. Que je sois parti. Parfaitement incorrect, je vais la rendre. Oh non. Tu ne veux pas? Non. Mais est-ce que tu comprends ce que ça signifie si tu la gardes? Oui. Anne-Marie. Vas-y. Eh bien. Oh! Oh madame, qu'est-ce que vous en dites? Ça va, c'est admirable. Mais ça vous plaît, vraiment? Mais, est-ce que c'est pour moi? Je ne sais pas. Voulez-vous? Oh, c'est affreux. Alors voilà, qu'est-ce que je te disais? Et voilà. Attendez, la bague, c'est Bob, et moi, voilà. Oh, ah non, madame, je veux pas. Mais vous la grattez beaucoup trop, chère madame. Ah, mais ça, il faut qu'elle s'y habitue. Bien que j'ai l'intention de lui faire beaucoup de cadeaux. Ah, très bien, le coup du collier, beaucoup d'allure. Dis donc, maman, qu'est-ce que c'est que la chose grave que tu avais encore à me dire? Mais rien, ma chérie, maintenant, ça n'a plus d'intérêt. Tu me diras, hein? Mais bien sûr. Eh bien, vous en avez une chance, ça ne m'arrive pas. Oh, je suis mon fils. Il y a de quoi? Oh, Jean-Pierre! Bob, où est-il, Bob? Oh oui, c'est vrai. Même l'embrasser. Oui, elle veut bien. Mais alors, est-ce que tu te décides à l'embrasser? Non, je... Anne-Marie, embrassez-le, vous, ma chérie, sans ça, nous n'en finirons jamais. Merci, Bob. Alors, c'est bien décidé, tu ne veux pas l'embrasser? Comment non? Non, c'est pas son idée. Et pourquoi ne veux-tu pas? Il y a trop de monde. Ah, ah. Voilà. Eh bien, emmène-la. C'est ça. Allez, faire un tour, tous les deux. Venez, nous allons lancer la Maxime et allons clairement. Allez, venez. Alors, ça, c'est une chose qu'il ne faut pas manquer. Vous voir la tête qu'ils vont faire quand ils apprendront ça. Voilà. Vous venez, Suzy? Ah oui, il faut voir ça. Hein. Et vous, oui, Mélanie? Oui, allons, cette petite est un amour. Je sens que vous l'adorez. Hey, oh, ça y est, j'ai eu chaud. Ah, ouais. Tu vas laisser faire ça? C'est pas vrai. J'ai attendu, et puis elle n'est pas venue. Alors je suis redescendue. Où est-elle? Qui? Eh bien, mais Anne-Marie. Je voulais lui donner son petit collier. Tiens. Il n'est pas bien gros, mais pour une jeune fille. Oh, il est très joli, maman. Tu crois que ça lui fera plaisir? Oh, sûrement. Mais pourquoi n'est-elle pas montée? Elle a oublié? Elle a dû oublier, oui. Ça m'étonne. Elle qui est toujours si gentille. Elle n'est pas si gentille que ça. Après plusieurs rappels, le rideau de la Comédie Française, salle Luxembourg à Paris, vient de se baisser sur le troisième acte de la pièce de Édouard Bourdel et tant difficile. Voici le quatrième et dernier acte. Nous sommes cette fois dans la chambre à coucher des jeunes époux, Anne-Marie et Bob Laroche, chambre luxueuse dans un grand appartement qui est celui des nouveaux mariés. Au lever du rideau, la scène est obscure. On entend le bruit d'une porte qu'on essaie d'ouvrir. Anne-Marie. Qu'est-ce que vous voulez? Une lampe s'est allumée. Je ne peux pas. Mais prenez un cachet d'Alonal, dans un quart d'heure, vous dormirez. Je n'en ai pas. Mais si, j'ai vu le flacon dans votre chambre. Je ne peux pas le trouver. Mais il est sur la petite table, à côté de votre lit. Ouvrez-moi. Non, là. Ouvrez-moi. Oh, Bob, écoutez-moi. Nous n'allons pas recommencer toutes les nuits la même chose, n'est-ce pas? Si ça vous amuse de ne pas dormir, c'est votre affaire. Moi, j'ai besoin de me reposer. Allez vous recoucher. Non. Ah, oh, c'est comme ça que vous respectez nos conventions. Eh bien, ça m'apprendra. Ouvrez-moi! Non, là! Oh, regardez, voilà déjà le jour qui vient. Je n'aurais pas dormi 3 heures. Non, allez vous recoucher, Bob. J'ai, J'ai quelque chose à vous dire. C'est pas vrai. Oui, ben vous me le direz demain matin. Non, Bob, Bob, si vous me poussez à bout, vous savez ce que je fais, n'est-ce pas? Je vous ai prévenu. Je rentre chez mes parents, vous ne me reverrez plus. Rien qu'une minute. Oh, mais pourquoi faire? Je veux vous embrasser. Oui, oh, oh, je sais ce que ça veut dire. Non, Bob, non, mais laissez-moi. Mais j'en peux plus qu'on prenne le dos, enfin. Anne-Marie. Oh, mais quoi? Seulement vous embrasser. Vous le jurez? Oui. Et tout de suite après, vous irez vous recoucher. Oui. Et jurez-le. Je le jure. Elle se lève, allume un lampadaire et va tirer le verrou. Là, bon, ben, allez, maintenant, allez vous coucher. Non. Ah, Bob! Oh, vous avez promis, ça, c'est très mal! Jamais plus! Bob! Oh, si vous ne rentrez pas tout de suite, je sonne Julie. Ah oui, ben, n'approchez pas, je vous jure que je le fais. Ah, mais attention, Bob, attention, je ne plaisante pas, vous savez? Allez vous recoucher! Non. Allez vous recoucher! Non, eh ben, vous l'avez voulu, tant pis pour vous, j'ai sonné. Ça m'est égal. Ben, n'allez pas vous exposer à ce que Julie vous trouve ici, voyons, de quoi ça aurait-il l'air? Allons, Bob, je vous en prie, allez vous recoucher! Non. C'est comme ça que vous me remerciez de vous avoir cédé hier dans l'état de fatigue et d'énervement où j'étais. Ça, j'ai voulu être gentille, je pensais que vous pourriez le reconnaître et que nous pourrions rester bons amis. Mais ça, hein, une dernière fois, Bob! Voulez-vous aller vous recoucher avant que Julie descende? Non. Non, non, voilà tout ce que vous savez dire. Un enfant entêté, voilà ce que vous êtes! Je suis votre mari. Oui, oh ben, vous ne le resterez pas longtemps si vous continuez, je vous le jure. Hein. Ah non, laissez-moi! Ah, Bob! Oh non, laissez-moi! Oh, laissez-moi! Oh, mais si vous ne me lâchez pas, je crie! J'appelle au secours jusqu'à ce que votre mère m'entende! Ah. Ah, vous n'y tenez pas à ça, hein? Ça vous est égal de vous conduire comme une brute avec moi, mais vous aimez autant que votre mère l'ignore, n'est-ce pas? Eh bien, s'il faut en arriver là, je lui dirai, vous entendez? Je le lui dirai parfaitement! Entrez! Non! Si! Non! Entrez, Julie! Madame a sonné. Oui, Julie. Je vous demande pardon de vous avoir réveillée. Mais je ne me suis pas sentie très bien tout à l'heure. Ça ne vous dérange pas? Passez-moi mon peignoir. Madame ne devrait pas rester debout. Non, je vais me recoucher. Quelle heure est-il? 6h30. Quoi? 6h30? Madame veut-elle que j'ouvre les rideaux? Oh. Non, merci, je voudrais dormir encore. Hein. Madame veut-elle que je lui fasse une infusion? Oh non, merci, Julie. Je suis si fatiguée que je crois que je vais me rendormir tout de suite. Seulement, vous serez gentille de rester là jusqu'à ce que je me rendorme au cas où j'aurai besoin de quelque chose. Ça ne vous ennuie pas? Mais non, madame. Mais monsieur aussi est fatigué. D'ailleurs, il a besoin de se reposer et il va aller se recoucher, n'est-ce pas, Bob? Madame ne se recouche pas. Mais si, dans un moment. Oh, Bob, voulez-vous aller me chercher la boîte d'Alonal? Je vous prendrai un cachet, comme ça je serai sûre de me rendormir. Madame veut-elle que j'y aille? Mais non, oui. Vous savez pas où elle est. Monsieur va aller me la chercher. Vous voulez bien, Bob? Bob les regarde l'une après l'autre, puis se décide enfin à se lever. Et rentre dans sa chambre. Anne-Marie se précipite et ferme le verrou. Non, je vous en supplie, laissez-moi, je vous en supplie. Oh, Julie, je deviendrai folle. Quel malheur! Vous m'avez menti! Mais vous aussi! Vous m'avez menti tout à l'heure! Ouvrez-moi! Malheureux de se mettre dans des états! Ouvrez! Ou je casse tout! Oh, Julie! Ah, Marie! Julie! Julie, Charlebourg, 1880, vous lui direz que c'est lui qui répondra. D'ailleurs, le téléphone est à côté de son lit. C'est toujours là où il se lève. Oui, madame, dites-lui de venir tout de suite. Hein. Oui, mais surtout qu'il ne s'inquiète pas. Dites-lui qu'il n'y a rien de grave. Ah, si mes parents ont entendu la sonnerie, qu'ils les rassurent, qu'ils disent que... Oh, je sais pas, que... Ah, pas que c'est au sujet de l'appartement que je leur ai trouvé. Tenez, bien, madame. Anne-Marie reste seule. Elle s'approche doucement de la porte de la chambre de son mari. Elle écoute, les coups ont cessé. Elle écoute à la porte. À l'opposé de la pièce, la porte s'ouvre. Bob paraît derrière son dos. Allez-vous-en ! Allez-vous-en ! Bob ! Oh non, vous me faites peur ! Julie ! J'ai mis le verrou. Oh non ! Non, je vous en supplie, Bob ! Bob, demain, je vous promets, mais pas ce soir, laissez-moi ! Ah non, laissez-moi ! Ah, Bob ! Ah non ! Non, laissez-moi ! Il l'a emporté sur le lit. On frappe à la porte. Dis-moi, ma chère Cassie, est-ce que Bob est là? Oui. Oui? Oui, mais... Pardon, ma chère petite, j'avais absolument besoin de parler à Bob. Vous êtes peut-être déjà au courant. Courant? De ce qui est arrivé. Mais non, quoi non? Je pensais que vos parents vous avaient peut-être téléphoné. Oui, leur est arrivé quelque chose. Pas à eux, non. Mais en vous trouvant debout, j'ai cru que vous aviez appris la nouvelle par eux. Mais quelle nouvelle? Une chose affreuse. Pierre Solin s'est tué. Oh. Il s'est tiré une balle de revolver hier soir à 7h dans son bureau. Voilà le télégramme que je viens de recevoir. L'un de ses femmes, notre de Bertin, sous-directeur, qui m'annonce qu'il prend le train pour m'apporter les premiers renseignements. Il a dû prendre le train de 9h, il sera ici dans quelques instants. Mais pourquoi s'est-il tué? Pourquoi? Je n'en sais rien encore, mais j'ai peur de le deviner. Tu te souviens de cette anonyme que j'ai reçue il y a un mois? Non. Oui, mais tu ne te souviens jamais de rien. C'était pas la première que je recevais, d'ailleurs. Je n'y attachais aucune importance, naturellement. Il était fatal que dans sa situation, Pierre Solin eut des ennemis et qu'on cherche à lui nuire dans mon esprit. Entrez. Monsieur Bertin vient d'arriver. Il demande à voir madame. Chez moi? Oui, madame. Bien, j'y vais. Eh bien, allez avec votre mère, voyons. Pourquoi? Comment pourquoi? Ça ne vous intéresse pas? Non. Eh ben, qu'est-ce qui vous intéresse? Alors, je me le demande. Pas ça. Vous n'avez donc pas de cœur? Si. Eh ben, on ne le dirait pas. Enfin, vous l'aimiez pourtant, votre cousin Pierre Solin. Non. Oh, vous êtes monstrueux, tenez. Et votre mère, alors, vous laissez seule dans un instant pareil. Vous ne l'aimez pas non plus. Non. Mais qui donc aimez-vous, alors? Vous. Ah, moi, bah, parlons-en. Alors ça, vous avez une drôle de façon de m'aimer. Non, je... Oui, enfin, ne discutons pas, n'est-ce pas? Ce n'est pas le moment. Si vous n'allez pas rejoindre votre mère tout de suite, je dirais que vous êtes un affreux égoïste. Voilà tout ce que je peux vous dire. Je ne suis pas un égoïste. Oui, ben, prouvez-le en vous conduisant un peu mieux. Vous me pardonnez? Vous pardonnez quoi? Pour tout à l'heure. Oui, oh. Et nous verrons, allez. Bob, enfin, vous m'avez entendu? Je vous pardonne, ça, je vous pardonne, mais allez, je vous en prie, allez. Allez! Julie, vous avez téléphoné? Oui, madame, il y a déjà un moment. Mais monsieur Jean-Pierre n'était pas là, c'est le père de madame qui m'a répondu. Alors, j'ai dit que madame avait besoin de voir son frère tout de suite, mais monsieur m'a dit qu'il n'était pas là, qu'il avait travaillé toute la nuit au studio. Oui, eh bien. Il m'a demandé ce qui se passait, si madame n'était pas souffrante. J'ai dit que non, qu'il ne fallait surtout pas qu'il s'inquiète, mais J'ai bien vu qu'il ne me croyait pas et finalement il m'a dit qu'il allait venir. Oh, mais il ne fallait pas, voyons, je vous avais dit. J'ai bien essayé de l'empêcher, madame, il n'y a pas eu moyen. Monsieur était tout bouleversé, il me disait que sûrement lui cachait quelque chose. Il m'a demandé où était madame, pourquoi ce n'est pas elle qui téléphone. Eh bien, il fallait venir me chercher. Et je suis venue, madame. La porte était fermée, j'ai entendu que madame se disputait avec monsieur, j'ai pas osé cogner. Ah, là, c'est juste ce que je voulais éviter, quoi. Madame devait bien penser qu'en téléphonant à une heure pareille. Moi, je pensais qu'à cette heure-ci, justement, c'est mon frère qui répondrait, voilà. Ah, là, ça, c'est vraiment pas de chance. Mais qu'est-ce que c'est que ce coup de sonnette? Ça peut pas être déjà mon père. Y a quelqu'un pour ouvrir? Je vais voir, madame. L'oncle de madame. Mon nom. Qu'il demande à voir madame. Ah, ben, faites-le entrer. Bonjour, mon nom, vous êtes à Paris? Oui. J'ai pris le train hier soir. Bertin, le sous-directeur, m'a téléphoné à nouvelle à 8h30. J'ai eu le temps de sauter en auto et de le rejoindre à la gare. Nous avons voyagé ensemble. Je l'ai laissé en bas, avec ta belle-mère et ton mari. Il les met au coin. J'en ai profité pour monter t'embrasser. Tu as prévenu tes parents? De? Bah, de ce qui arrive. Ah, pas encore, mais papa est en route pour venir ici. Ah, il l'aura lu dans les journaux. Comment c'est déjà dans les journaux? Oh là là. Tiens, lis. Un grand crack industriel. Les établissements La Roche, victimes de la crise. Pris de panique, le directeur se tue. Donc comment ça, c'est si grave que ça? Qu'est-ce que tu croyais donc? Mais je sais pas, moi je croyais qu'il s'agissait seulement de Tiercelin. Tiercelin s'est tué quand il s'est senti perdu. Quand il a vu qu'il ne pouvait plus cacher la vérité, oh, celui-là. Mais qu'est-ce qu'il avait fait? Il volait, parbleu. Il volait depuis des années. Il spéculait d'une façon insensée à Paris, à Londres, à New York, à Amsterdam. Il a commencé par le faire pour son compte, puis quand il a eu perdu tout ce qu'il avait, il a continué sur une plus grande échelle en engageant la signature de la société. Il s'est enferré, il a voulu se rattraper. Enfin quoi, l'histoire habituelle. Ça dure un certain temps, ces plaisanteries-là, mais il arrive un moment où ça craque. Ou même un crédit comme celui des établissements La Roche ne résiste pas à des différences de plusieurs millions tous les mois. Il y a quelques jours, un courtier de Londres à qui il devait une grosse somme a exigé un règlement. Le courtier, Tiercelin lui a demandé du temps, le courtier s'est inquiété, a téléphoné pour avoir des renseignements à une banque d'ici où précisément les établissements La Roche avaient un gros découvert. La banque a pris peur à son tour, a refusé le lendemain d'escompter une de leurs prêtes, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, et hier, quand Tiercelin a vu que tout était perdu, que le poteau rose allait être découvert, eh bien, il s'est fait sauter, voilà. Mais est-ce que ça regarde ma belle-mère, tout ça? Si ça la regarde, ah. Mais je t'ai expliqué que c'est que cette opération était signée par elle. C'est exactement comme si elle l'avait faite elle-même. Mais alors quoi, elle est peut-être ruinée? Oh, ruinée, je n'en sais rien. Il lui restera l'argent qu'elle peut avoir au dehors, parce que pour ce qui est de celui qu'elle avait dans la maison, elle peut en faire son deuil. Bertin estime, d'après les derniers renseignements, que le déficit atteindra 900 millions. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu es malade? Rien, papa. Tu as eu un accident? Non, petit papa. Dis-moi la vérité. Tu n'as pas lu les journaux? Qu'est-ce... Ah, tu es mais là? Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Tenez, lisez. Quoi, ce n'est que ça? Oh, j'ai eu peur. Oh, mon petit papa. Comment? Oh, ben naturellement, j'ai tout imaginé. Je me suis dit un coup de téléphone à cette heure-ci, ben c'est qu'il est arrivé un drame. Ah, j'ai eu peur. Ben, je suis bien content, tu sais. Il n'est pas difficile. Ben, je suis content que ça ne soit que ça, je m'attendais tellement à pire, moi. C'est déjà pas mal, tu sais. Bon, tu sais, les histoires d'argent, ça s'arrange toujours, tandis que ça. Écoute, mon petit, je peux te le dire, j'ai cru que t'étais mort. Oh, mon pauvre papa. Ben, écoute, ce coup de téléphone bizarre de ta femme de chambre, alors que c'est toujours toi qui appelles, oui, en général. Je suis désolée. Oh, ben, c'est pas de ta faute, mon petit. Oh, mon Dieu, est-ce que j'ai eu peur? Tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir ce qu'a été ce trajet en taxi de Bois-Colombes ici. Je devenais fou. Ta maman essayait de me consoler. Elle a eu peur aussi, ta maman. Hein, non, pas, enfin, Jérôme, comment une chose pareille a-t-elle pu arriver? Comment se fait-il que la maison La Roche ait fait d'aussi mauvaises affaires sans que personne n'en ait rien su? L'établissement La Roche ne faisait pas de si mauvaises affaires. Oh, pourtant, voyez ce que dit le journal. Oh, les journaux, on ne raconte jamais les choses comme elles se sont passées. La crise n'a rien à voir dans tout ça, ou du moins un peu de choses. Alors, Tiercelin était un bandit. Quoi? Voilà. Non. Et si, il volait pour cacher les différences de jeu. Jusqu'au moment où ces différences ont atteint un tel chiffre que même en engageant tout le crédit de la maison, il n'a plus pu payer. Alors, il s'est enfermé dans son bureau, il a écrit une lettre à sa femme, une autre à Mélanie, et il s'est logé une balle dans la tête, voilà. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ah, c'est justement pour le savoir que j'ai pris le train. Parce que ça nous intéresse un tout petit peu à mes gens, comme vous devez le comprendre. Je crois bien. Et les établissements La Roche suspendent leur paiement, je ne vois pas très bien comment nous pourrons faire face aux nôtres. L'alliance des deux maisons nous maintenait à flot, S'il coule, il va sans dire que nous coulons aussi. Ah, tu vois, hein. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que je vois? Oh, rien. Oh, mon ami, moi, je ne suis pas le bon Dieu. Et le bon Dieu seul pouvait prévoir il y a 3 mois ce qui vient de se passer. Moi, ce que je ne peux pas comprendre, c'est que cet homme ait pu faire tout ça sans que personne ne l'ait soupçonné. Ah, voulez-vous, c'est ce qui arrive quand dans une maison, les principaux intéressés se composent d'une femme qui ne veut se mêler de rien et d'un garçon qui... Oui, je te demande pardon, Anne-Marie. Mais qui est notoirement incapable de se mêler de quelque chose. L'argent, c'est comme les femmes. Pour le garder, il faut s'en occuper un peu. Ou alors, il va faire le bonheur de quelqu'un d'autre. Bon, est-ce qu'il fait tant que ça, le bonheur? Hein, Anne-Marie? Non. Ah, oh, je m'en doutais. Oui, enfin, il a tout de même du bon, croyez-moi. Hein? C'est pas votre avis, si je m'éloge, hein? Ça va pas. Dis, ça va pas avec ton mari. Qu'est-ce qu'il y a? C'est au-dessus de tes forces. Oh non, dis-moi la vérité, mon chéri. Papa, je voudrais m'en aller. Oh là là. Voilà ce que je craignais. Mon Dieu, je pouvais pas penser à autre chose. C'est épouvantable. J'ai fait tout ce que j'ai pu, je te jure, papa, mais maintenant, je peux plus. Oh, mon petit, tout ça, vois-tu, tout ça, c'est de ma faute. Mais non, papa, non, c'est moi, toi. Toi, tu étais contre. Ah, j'étais contre, mais j'ai laissé faire. Allons. Tout le monde avait l'air de le désirer, ce mariage. Toi-même, tu avais l'air content. Mais oui, papa, bien sûr. Alors, je me suis dit qu'après tout, ce qui me paraissait impossible pour moi ne l'était peut-être pas forcément pour toi. Je suis un vieux fou. Mais toi, tu étais peut-être une petite fille pratique et raisonnable, voilà ce que je me disais. La vérité, je vais te la dire maintenant, c'est que tu es très jeune, beaucoup trop jeune pour savoir. Voilà. Non, monsieur Antonin Fort au téléphone. Qui, moi? Monsieur Jérôme. Ah, bon. Je dois être Maxime, à qui j'ai dit de m'appeler ici pour avoir des nouvelles. Où est l'appareil? Oh, dans mon petit salon. Tenez, je vais vous montrer, mon nom. Merci, mon petit. Tu sais ce qu'elle vient me dire? Mais non. Eh bien, elle veut partir d'ici. Mais pourquoi? Ben, elle n'en peut plus, la malheureuse, au-dessus de ses forces. Ah, nous avons fait du joli, tiens. Oh, tu as l'air de dire que nous l'avons forcé, c'est pas le cas. Ah non, non, mais nous aurions dû nous souvenir qu'elle avait 18 ans. Voilà. Alors, vous ne vous entendez pas, Bob et toi, hein? Pas très bien, non? Il n'est pas gentil avec toi. Oh, si, seulement. Seulement quoi, hein? Oh, bah, tu sais, il est jamais content. À quel propos? Oh, tu devines, enfin... Il n'y a que ça qui l'intéresse. Oh, ma chérie. C'est souvent comme ça au début du mariage, mais avec le temps, les choses s'arrangent. C'est plutôt le contraire. Avec lui, les premiers temps, je ne sais pas si je l'intimidais ou quoi. Enfin, il me laissait plutôt tranquille, mais maintenant, ça devient une idée fixe. Je n'ai même plus le droit de dormir. Oh. Cette nuit, tiens, il était 3 heures quand il rentrait dans sa chambre. À 6 heures, il venait cogner à ma porte. Enferme-toi. Oh, mais quand je m'enferme, il me lasse de tout casser. Dis-lui qu'il faut absolument qu'il te laisse dormir. Mais je passe mon temps à la lui dire, mais ça ne sert à rien. Il me regarde avec des yeux de fou, il prend son air buté, là. Et puis, oh non, je peux plus, maman. Quelquefois, il me fait pitié, mais à d'autres, il me fait horreur. Oh, ma pauvre chérie. Ben, veux-tu divorcer? Pas de soucis. Quoi? Ben, tu te rends compte de ce que tu lui dis? Écoute, ça ne peut plus le supporter. Comment c'est au moment où les Laroche viennent peut-être de perdre toute leur fortune? Tu lui conseilles de divorcer? Ben, moi, je ne lui conseille pas. Je lui demande ce qu'elle veut faire. Mais qu'est-ce qu'on dira? Ben, on attendra quelque temps, naturellement. On aura beau attendre, c'est tout de même ce qu'on dira, voyons. Eh, écoute, si tu préfères que ce soit elle qui soit malheureuse et qui perde sa jeunesse auprès de ce bon garçon, eh bien, mon ami, c'est très bien, Ah bah alors ça, c'est formidable, alors. Ah bah c'est vous qui avez voulu ce mariage à tout prix, dès lors... Ah bah non, alors ça, c'est un peu fort, alors. Et mieux en mieux. Vous avez des nouvelles? De l'affaire Tiercelin, non. Maxime ne sait que ce qu'il y a dans les journaux. Mais en ce qui nous concerne, nous, ce que je craignais, c'est déjà réalisé. La banque nous met en demeure de rembourser notre découverte d'ici à la fin du mois. Ou sinon... Et comme il n'est pas question que nous puissions le faire, je crois cette fois-ci, mes amis, que nous sommes liquidés. Ma petite Suzy, je vous conseille de mettre une annonce dans les journaux et de proposer vos services comme dame de compagnie. Quant à Marcel, il pourra peut-être donner des leçons de dessin, non? Si tu savais ce que tes histoires d'argent me laissent indifférent, alors... Ah oui? Eh ben, tu as de la chance, je te félicite. Oh, vous êtes là, mes bons amis. Vous êtes au courant, naturellement. Mélanie, nous sommes de tout cœur avec vous. Merci. Bonjour, mère. Bonjour, Bob. Bonjour, père. Alors, qu'avez-vous décidé? Vous allez partir là-bas? J'irai pour l'enterrement de ce malheureux, naturellement. D'ici là, quoi voulez-vous que je serve? Oui. Ça, pour moi, c'est de l'hébreu. C'est assez regrettable, oui, croyez-moi. Je sais. J'aurais dû surveiller un peu plus, demander des comptes. Mais comment aurais-je pu supposer qu'un homme comme Tiercelin n'était pas honnête? C'est une supposition qu'on ne doit jamais écarter dans les affaires. On doit se méfier de tout le monde, sans exception. Personne n'est à l'abri de la tentation. Mais la confiance, Jérôme, ça existe pourtant. La confiance? Je connais pas. J'ai confiance dans les gens qu'autant que je sais, qu'autant qu'ils savent, que je peux les contrôler. L'événement vous donne raison, mon bon ami, j'ai été coupable. C'est question. papillons-là m'ont toujours tellement ennuyé. J'avais besoin d'argent, j'en demandais à Tiercelin, il m'en donnait autant qu'il m'en fallait. Moi, je trouvais ça très agréable. Bien sûr. Et je ne cherchais pas plus loin. Et ben, vous voyez le résultat? Ben oui, je vois. Alors, quand Bertin repartit? Oh, ben tout de suite, on a besoin de lui là-bas pour l'enquête. Ah, je pense que vous m'approuverez. Je l'ai chargé de dire au procureur que tout ce que j'avais en dehors de l'affaire, ma fortune personnelle, mes valeurs, mes maisons, je ne conservais rien. J'abandonnais tout pour essayer de sauver la société. Vous lui avez dit ça? Tutor? Au fond, non. J'ai bien fait. Ah, n'est-ce pas? J'ai bien fait de le dire, mais naturellement, il ne faut pas le faire. Comment? Vous n'avez pas l'intention de le faire, j'imagine. Si. Hein? Je ne peux pas agir autrement, mon bon ami. Il paraît que si nous sommes obligés de demander la liquidation, la plupart de nos agents et de nos sous-agents vont se trouver dans une situation tragique. Il faut être responsable de la ruine d'un tas de gens et continuer à vivre dans l'opulence. Ça ne vous plaît pas, Marcel? Ah oui, ça, je pense. Hein? C'est bien ce que vous feriez si vous étiez à ma place. Ah oui, sûrement. Ah, eh ben, vous voyez, Jérôme? Ah. Oh, mais c'est parfait. Oui. Du moment que vous avez l'approbation de Marcel, je n'ai qu'à me taire parce que vous venez, moi, mais tout ça va très bien. Quel est votre avis? Oh, cher ami, mon avis. Vous m'aurez la permission de le garder pour moi. S'il vous plaît, d'entasser folie sur folie, c'est votre affaire. Il y a ici quelqu'un qui pourrait protester. Il y aurait peut-être même le devoir de protester, c'est le père d'Anne-Marie. Moi, je ne suis que son nom, alors j'ai qu'à me taire. Je trouve que Mélanie n'a de conseil à demander à personne, que ça ne nous regarde pas, ça. Bon. Ah, c'est Jean-Pierre. Tu sais ce qui est arrivé? Ben oui, nous venons de voir ça en sortant du studio, alors je suis venu tout de suite. Bonjour, Jean-Pierre. Tiens, vous êtes là, oncle Jérôme. Bonjour, mon petit. Alors, est-ce aussi grave que les journaux le disent? Elle est encore beaucoup plus. Sans blague. Alors, la mouise? La mouise, oui, comme tu dis. Ah ben ça, c'est roulant. Hein? Ah ben oui, par exemple. En somme, tu l'as redevenu une prolétaire, comme moi. Eh oui, tu vois. Oui, ben on n'en meurt pas, tu sais. Oh, n'exagérons rien. Je suppose qu'on ne nous laissera pas mourir de faim. Qui? Hein? Je sais pas, moi. Les créanciers, hein, quand ils verront que j'ai donné tout ce que j'avais, qu'il ne me reste plus rien. Qu'est-ce que vous imaginez? Ils vont vous servir une rente? Enfin, oh, quelque chose comme ça. Non? Oh, peut-être bien. Et peut-être aussi que le gouvernement ouvrira pour vous une souscription nationale. Et qu'on mettra votre buste au Panthéon, qui sait? Ne moquez pas de moi, Jérôme. Je me rends compte que vous n'approuvez pas ma décision et je le regrette, mais que vous voulez-vous? Avant de la prendre, vous demandez ce que mon mari ou l'un de ses prédécesseurs aurait fait en pareille circonstance et je suis arrivée à la conviction qu'ils auraient agi exactement comme je le fais. Ah! Vous croyez? Oui, oui, je le crois. Bertin aussi le croit. Il m'a dit qu'un geste comme celui-là était tout à fait dans la tradition des Laroches. Il vous a dit ça? Oui, oui, il m'a dit. C'est monstrueux. Comment? Monstrueux, je vous dis! Ils doivent s'être rendus d'indignation dans leur tombe, les Laroches, s'ils voient ce qui se passe. Ils vous maudissent, vous entendez? Ils vous maudissent et ils vous renient, tous, tant qu'ils sont, du premier au dernier. Pas Jérôme. D'abord, vous n'êtes pas une Laroche, vous êtes une Montaigue. Et ça se voit. Si vous aviez dans les veines la plus petite goutte de sang Laroche, vous n'auriez pas fait ce que vous avez fait depuis 15 ans, que pour le malheur de l'établissement Laroche, vous avez hérité les actions de votre mère. Mais... Oh, maman. Non, vous, mon petit, fichez-moi la paix, n'est-ce pas? Si vous étiez une Laroche, une vraie, vous tiendriez de vos ancêtres le respect qu'ils ont eu pour l'argent. Oui, oui, oui, oui, pour l'argent. Ils ne le jetaient pas par la fenêtre. Ils ne le gaspillaient pas, comme vous, en gestes inutiles. Ils savaient que c'était dur à amasser et que ça valait la peine d'être conservé, quand ça ne serait que par égard pour leurs prédécesseurs qui s'étaient échinés à le faire entrer dans la caisse. Ils ne s'amusaient pas, ces gens-là. Ils ne passaient pas leur temps à chercher comment ils pourraient bien se distraire. Ils travaillaient. Il faut choisir dans la vie entre gagner de l'argent et le dépenser. On n'a pas le temps de faire les deux. Eux, ils choisissaient de gagner. Et ils prenaient des femmes de leur espèce, des femmes qui leur ressemblaient, des femmes laides et ennuyeuses peut-être, mais sages, économes, capables de tenir une maison. Pas des amoureuses, bien sûr, ni des mondaines assoiffées de réception. Des épouses, des mères, des associés. Oui, leurs enfants n'étaient pas toujours très bons. Et leur intérieur manquait de charme. Qu'est-ce que ça fait? La maison, on y va manger et dormir. Pour se distraire, il y a le bureau. Voilà ce que c'était. été riche, mais il le méritait. Comme vous méritez d'être pauvre, vous qui leur ressemblez si peu. Oui. Oh, on dira que vous êtes une victime de la crise, que c'est la crise qui vous a remis voir à Londres. Les Laroche avaient tout prévu, même les crises. Et leur maison devait y résister. Comment? Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est qu'il y aurait un jour quelqu'un comme vous pour leur succéder. Il a raison, vous savez. Tout ça vient de ce que je n'ai jamais vraiment aimé l'argent. Eh bien, il n'y a pas de quoi vous en vanter. Mais non, mais je ne m'en vante pas. Oh, si, monsieur. Vous trouviez que ça faisait bien, que ça faisait élégant. Oh, vous n'êtes pas la seule dans ce cas-là, hein. Il y en a beaucoup comme vous. Et c'est de ça que la bourgeoisie est en train de crever. Vous entendez? C'est d'être devenue dépensière, prodigue, désintéressée. Les bourgeois ne sont pas faits pour ça. Ils sont faits pour être avares et pour avoir de l'argent. Le jour où ils n'en ont plus, ils sont inutiles. Ils n'ont plus qu'à disparaître de la circulation. Tout ce que vous dites est très vrai, mon bon Jérôme. Mais voulez-vous, moi je suis faite comme ça, je peux pas me refaire. Je suis avec vous, Mélanie. Moi, je n'ai jamais aimé l'argent. Et je l'ai prouvé. Eh ben, voyez-vous, je ne regrette rien. Patience, mon ami, patience. C'est maintenant que tu vas le regretter. Oui, oh, ça m'étonnerait. Puis j'ai d'abord constaté que les affaires d'argent, ça s'arrange toujours, alors. Ah, vraiment? Oui, oui, oui. Pour toi, il n'y a que l'argent qui compte, alors. Pour moi, je crois qu'il y a autre chose dans la vie. Oui, quoi, par exemple? Pshaw, la santé, le bonheur, l'amour. Hein? Et ça met du pain au garde-manger, tout ça? Oh, ça, peut-être pas, mais ça aide à penser à autre chose. Poète, hein? Oui. Et pendant que tu penseras à autre chose, qu'est-ce qui nourrira ta femme et tes enfants? Ben, vous en faites pas pour les enfants, mon oncle, ils tireront d'affaires tout seuls. Oui, toi peut-être, mais elle? Oh, ben, elle aussi, elle surtout. Ça, c'est toi qui le dis. Mais le cinéma, qu'est-ce que tu en fais? La proposition de Malinowski tient toujours, tu sais. Quelle proposition? Il veut la faire débuter au cinéma. Non. Oui, il me l'a encore dit il y a 5 minutes en m'accompagnant ici. Si ta sœur est fauchée, qu'elle veuille tenter sa chance à l'écran, dis-lui qu'elle vienne me trouver. Il t'a dit ça? Oui. Alors, c'est même malheureux que cette histoire soit pas arrivée plus tôt. Ah! Ah non, non, non. Il part ce soir pour tourner des extérieurs à Corfou. Il y a une scène de ski nautique que Ginette Astier ne peut pas tourner parce qu'elle ne sait pas nager. Il t'aurait emmené. Tu crois? Oui. Pourquoi pas? Qu'est-ce que c'est que ce Malinowski? Malinowski, c'est le premier metteur en scène d'Europe. Il a de la surface? Lui, il a tout l'argent qu'il veut. Ses films sont toujours vendus avant d'être commencés, alors vous pensez si les compagnies le recherchent? Et il veut faire débuter Anne-Marie au cinéma? Oui. Puis c'est pas d'aujourd'hui qu'il a cette idée. Déjà au mois de juillet, il lui avait proposé. Non, mais dites-moi, ça peut être très intéressant, ça! Pense bien. Pourquoi n'essayeriez-vous pas, ma chère petite? Oh, mais j'ai bien l'intention d'essayer maintenant. Non! Comment non? Non, je ne veux pas! Oh, ne sois pas ridicule, veux-tu, Bob? Non, je ne veux pas qu'elle fasse du cinéma! Mais vous serez peut-être bien content grâce à ça de ne pas crever de faim? Non, non, je ne veux pas! Mais dites-donc, mon garçon, pour défendre à sa femme de gagner sa vie, il faudrait commencer par être capable de la gagner pour elle, vous ne trouvez pas? Jérôme a raison, Bob. Nous n'avons plus maintenant, ni toi ni moi, le droit de faire les difficiles. D'ailleurs, il n'y a absolument rien de déshonorant à ce que ta femme fasse du cinéma. Mais parbleu. Mais... Oui, oh, non, ne sois pas ennuyeux, veux-tu? D'ailleurs, il est temps d'aller t'habiller. Ouais. Pourquoi? Parce que je peux avoir besoin de toi ici. Tiens, pour commencer, tu vas aller trouver ton ami Héricourt et lui décommander ta nouvelle voiture. Oh! Oh, quoi, oh? Tu n'as pas compris que nous n'avions plus d'argent? Il croyait que c'était une blague? Sacré bon, hein? Allez, allez, va t'habiller. Et plus vite que ça, va. Allez! Vous! Quoi? Je ne vous parle pas! Oh, ne lui en veuillez pas, c'est un enfant. Non, je ne lui en veux pas. Dis-moi, Jean-Pierre, tu voudrais pas lui téléphoner à Malinowski? Maintenant? Oui, pour lui dire que s'il veut, je suis prête à partir pour Corfou. Ce soir? Oui. Oh, ben, c'est peut-être un peu tard, maintenant. Oh oui, c'est, je t'en supplie, va. Pourquoi, t'as une raison? Oui, oui, je t'expliquerai. Bon, ben, je peux toujours lui demander où est ce téléphone. Là, là, va vite, sois gentil. Et où va Jean-Pierre? Il va téléphoner à Malinowski pour lui dire que s'il veut, je suis prête à partir pour Corfou. Non, tu n'y penses pas, Anne-Marie. Mais pourquoi, maman? Jean-Pierre vient de te dire qu'il part ce soir. Eh bien, oui, justement. Ah, oui. Il a raison, faut profiter de l'occasion. Tu ne peux pas partir seul, en tout cas. Pourquoi? Ce ne serait pas convenable. Mais il n'y va pas, Jean-Pierre. Mais non, ce sont des extérieurs. Emmenez Bob. C'est ça qui serait gentil. Ah, vous n'y tenez pas. Bon. Je vais vous dire, mais... Ne me dites rien du tout, ma chérie. Mon idée était stupide. D'ailleurs, j'ai absolument besoin de Bob ici. Vas-y, toi. Ah, eh ben, voilà une bonne idée. Oh oui, ça va pas. Oh, dis que tu veux bien, je t'en supplie. Comment, mais... Papa. Madame Marie, alors c'est entendu. Non, c'est vrai. Oui, seulement il demande si tu es décidée parce qu'il faut qu'on prenne ton billet. Oh, ben, tu pars, je suis absolument décidée. Mais il faut qu'il emmène papa. Papa, pourquoi comme faire chaperon. Oh, ben ça, demande-lui toi-même, moi je m'en charge pas. Bon, eh ben je vais lui demander. Mais non, mais non, mais non, je ne veux pas, voyons. Mais pourquoi, Marcel? Mais parce que je ne veux pas, voyons. Hein, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que tu meurs d'envie d'y aller, voilà ce que je pense. Moi? Oh, bah écoute, je ne connais pas ta figure, peut-être. Oui. Non, alors, ça y est, il veut bien. Il en veut tomber. Oui, oh, il a été adorable. Il a dit que c'était contraire à toutes les règles, mais qu'il n'avait rien à me refuser. Oh, ça, c'est gentil. Ah, dis donc, papa. Alors, t'es pas content? Hein, de faire un beau voyage? Ah, je suis folle de joie. Oh, papa. Oh, mais... Pardon, ma mère, c'est vrai, je ne pensais pas. Non, vous excusez pas, ma chère petite. Je serais trop contente si pour vous, au moins, les choses pouvaient s'arranger. J'aurais un poids de moins sur la conscience, je vous assure. Le pauvre Bob va être bien triste de vous voir partir. Mais j'arrangerai ça. Comptez sur moi. N'est-ce pas, j'aurais bien demandé à ce qu'on l'emmène plutôt que papa, mais... Vous comprenez? Oui, ma chérie, j'ai compris. J'ai l'air bête comme ça, mais je comprends tout de même les choses, vous savez. Et vous avez envie de quelques jours de vacances et c'est très naturel. Est-ce que j'aurais peur si vous Anne-Marie, que... puisque j'ai compris. Si vous voulez me faire plaisir, oubliez quelquefois que je suis la mère de Bob et pensez tout simplement que je suis votre amie. Voulez-vous? Ah, ma mère. Et maintenant, je vous quitte. Faut que j'aille m'habiller, moi aussi. Est-ce que je vous reverrai, Jérôme? Ah non, je ne pense pas. J'ai un train en trois quarts d'heure, je vais m'en tourner. Voulez-vous que la voiture vous conduise à la gare, puisque j'ai encore une voiture? Non, merci, j'irai à pied, ça me fera du bien. Alors adieu, mon bon ami. Je mérite tout ce que vous m'avez dit. Mais gardez-moi tout de même un peu d'amitié. Hmm? Non? Bien sûr, oui. Vous ne partez pas encore, Marcel? Je ne sais pas. Nous allons rester un moment avec Anne-Marie. Oui, nous passerons vous dire au revoir en descendant. Bien, vous me ferez plaisir. Merci, mère. Non, ne me remerciez pas, ma chérie. Votre oncle vous a expliqué que je n'avais aucune des qualités de la véritable bourgeoise. Bah, c'est bien le moins que j'essaie de ne pas en avoir les défauts. On a tout de même de l'allure, Mélanie, dans tout ça. C'est exact. Malheureusement, c'est un luxe qui coûte cher, l'allure. On ne peut pas se l'offrir longtemps. Vous avez rendez-vous à 7h15 au pied de l'escalier du buffet à la gare de Lyon. Non. Une valise par personne, pas plus. Bon. Toi, papa, tu pars comme deuxième maquilleur. Ah oui, non. Assure-toi, c'est seulement à cause des commanditaires. T'es défrayé de tout et tu touches 3000 francs par jour. Je touche, oui. Comment? Tu vois, quand je te disais que les affaires d'argent, ça s'arrange toujours. Oui. Pour toi, en effet. Oui, malheureusement. Je commence à le croire. Malheureusement, il y a les autres. Quels autres? Oh, tu comprends maintenant. Oh. Vous parlez déjà, maman? Oui, il est temps. Allez, au revoir, Suzy. Au revoir, Jérôme. Embrassez Charlotte pour moi. Oui, oui. Et bon courage. Merci. Au revoir, Marcel. Au revoir, Jérôme. Et tu sais, toutes mes excuses. J'ai longtemps cru que de nous deux, tu étais le fou et que j'étais l'homme raisonnable. Je m'aperçois que c'est tout le contraire. J'ai passé ma vie à m'embêter, à refuser tout ce qui était agréable, à accepter tout ce qui ne l'était pas. Toi, tu te l'es coulé douce, tu n'en as jamais fait qu'à ta tête. Résultat, nous voilà tous les deux dans le pétrin. Seulement moi, j'ai bien des chances d'y rester. Tandis que toi, avec cette gosse-là, tu t'en tireras toujours. Tu m'as l'air d'avoir pris une assurance tout risque contre les petits ennuis de l'existence en la mettant au monde, toi. Bravo. Tu sais, je ne l'ai pas fait exprès. J'ai pas pensé à tout ça. Oui, bravo tout de même. Sans le savoir, tu as joué la bonne carte. Tu as misé sur une des dernières valeurs or qui nous reste. La beauté. Bon, là-dessus, je vous quitte. Je vais prendre mon train. Au revoir, Jean-Pierre. J'ai ça avec vous, mon oncle. Au revoir, Greta Garbo. Oh, attendez, bon. Eh ben, dépêche-toi. Parce que tu sais, la beauté aussi, ça n'a qu'un temps. Et si tu entends parler d'une place de troisième maquilleur, alors pense à moi. Je voudrais tellement faire quelque chose pour lui. Enfin, ça viendra peut-être un jour. Ah, mais maintenant, tu feras bien aller t'habiller. Oui, maman, je vais. Oh, je suis contente de partir. Oh, oh, gentil pour moi, oh, ça. Oh non, pardon, moi, c'est pas ce que je veux dire, tu sais bien. Non, mais partir, enfin, ne plus voir Bob, ne plus sentir à mes pieds, à être toujours là autour de moi, tu sais, je serais devenue folle. C'est tellement inespéré, ce voyage qui arrange tout. Oh, provisoirement. Ça Oui, oh, bah écoute, c'est toujours ça. Hein. Le reste, on verra plus tard. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, rien, mon petit papa, rien. Va, non, t'inquiète pas. Venez, Bob. Venez. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Quoi? Asseyez-vous et écoutez-moi, sans vous énerver, surtout, sans faire de drame. Hein? Mais pourquoi ferait-il un drame? Il n'y a pas de raison. Non. Hein? Je pars ce soir avec papa pour Corfou. Pourquoi? Oui, Malinowski m'emmène pour tourner des scènes de ski nautique. Non. Comment non? Non, je ne veux pas. Oh, voyons, Bob, ne soyez pas ridicule. C'est une occasion inespérée de tenter ma chance. Je n'ai pas le droit de la refuser. Mais je comprends très bien, n'est-ce pas, Bob? Non, je ne veux pas. Mais voyons, écoutez, Bob, vous ne seriez pas fier que j'ai du succès, enfin, que je devienne une star? Hein? Non. Mais je peux gagner beaucoup d'argent, vous savez, si je réussis. Bah, je crois bien. Enfin, tant que vous en avez gagné, vous m'en avez donné. Eh bien, maintenant, ce sera mon tour. Vous ne savez pas, la première somme que je toucherai, eh bien, ce sera pour vous faire un cadeau. Ah, voulez-vous? C'est gentil, ça, hein? Alors, qu'est-ce que vous voulez? Hein? De quoi avez-vous envie? Oh, moi, je sais. Oui? Il a envie d'un briquet comme celui d'Armand. C'est vrai. C'est ça que vous voulez? Non? Alors, quoi? Je ne veux pas que vous partiez. Mais il faut que je parte, voyons, Malinowski a besoin de moi. Alors je veux y aller aussi. Non, Bob, ça c'est pas possible, il n'y a pas de place. Mais allez, soyez raisonnable, Bob, et ne pars pas pour toujours. Oh, Bob, je comprends pour 15 jours, qu'est-ce que c'est que ça, 15 jours? Mais qu'est-ce que je ferai, moi, pendant ce temps-là? Eh bien, vous allez rester avec votre mère, vous l'aiderez, elle va en avoir à faire des choses, la pauvre. Vous ne voudriez pas l'abandonner dans un moment pareil? Je suis sûre que si on vous le demandait, vous ne le feriez pas. Alors? Si. Oh, ça m'étonne de vous, Bob. Je veux aller avec vous. Est-ce que c'est pas possible, enfin? Oh, écoutez, vous savez pas ce que vous allez faire? J'emporterai votre appareil de prise de vue. Et je filmerai tout notre voyage à votre attention, vous voulez bien? Le train, le bateau, notre installation là-bas, et puis bah, les scènes du film. Malinowski en train de nous faire tourner. Enfin, tout! Vous aurez vous pour vous tout seul. Hein? Vous voulez? C'est une bonne idée, ça. Hein? Vous ne saurez pas. Mais si, je saurai. Non, c'est trop difficile. Eh bien, écoutez, vous allez me préparer votre appareil pendant que je m'habille, et ensuite vous me montrerez comment on s'en sert, voulez-vous? Il faudrait faire des essais. Oh, bien sûr, on fera tous les essais qu'il faudra, voyons. Nous irons dans le jardin, tenez, et nous prendrons papa en train de jouer avec le barzoï. Tu veux bien, papa? Oui. Hein? Bon, eh bien, c'est ça. Alors, allez, allez dans le jardin, et puis je viens vous rejoindre, hein? Voilà, allez. Allez, Bob. Oh. Eh bien, ça s'est mieux passé que je ne pensais. Allez, maman, viens, tu. Qui va m'aider à m'habiller, tu me diras ce qu'il faut que j'emporte comme robe là-bas. Il doit faire chaud à Corfou, hein? Qu'est-ce que tu penses, papa? À Corfou, je sais pas. Oh, qu'est-ce que tu as, toi? Tu as l'air ennuyé. Non. Tu n'es pas content de partir faire un beau voyage avec ta petite fille? J'ai... Pense un peu Corfou, la Grèce, moi qui ne connais même pas la Méditerranée. Oh, si maman avait pu venir. Oh, vous passerez moi tous les deux. Oh, allez. Alors ça, c'est méchant ce que tu dis là. Nous décorons tous les jours, n'est-ce pas, papa? Oui. Là, est-ce que tu vas aller t'habiller? Ah oui, j'y vais, oui, mais je veux que papa m'embrasse d'abord. Là, pas mieux que ça? Si, mon petit. Oh, voilà. Bon, oui, mais ben, quoi, tu la reverras, ta Suzy? Hein, elle est pas perdue? Dis donc, remonte-le un peu, hein? Oh, moi, je vous adore. Allez. Pourquoi fais-tu cette tête? Oh, je fais pas de tête. Oh, voyons, je te connais, va. C'est à cause de Bob, n'est-ce pas? Oui. Mais qu'est-ce qui te tracasse? Je n'aime pas qu'il soit malheureux. Mais non, il n'est pas malheureux. Mais non, rien ne marque profondément sur un cerveau comme le sien, tu sais. C'est un enfant. Oh, pas tant que ça. Mais je t'assure que si, tiens, dans deux jours, il n'y pensera plus. Et tu arranges ça. Aimes-tu mieux que ce soit elle qui soit malheureux? Oh, mais ah, mais non, ah, oui, alors. Je pense que si nous n'étions pas allés à filière, tout ça ne serait pas arrivé. Ah non, écoute, tu ne vas pas recommencer. Voilà, Bob. Anne-Marie est en train de s'habiller, elle ne va pas tarder. Mais c'est le bel appareil. Oh, quelle merveille. Je suis sûre quand vous lui aurez montré à s'en servir, elle réussira. Je ne dis pas aussi bien que vous, mais presque. Mais je vous laisse, hein, je vais aller la secouer pour qu'elle se dépêche. Bob s'est assis avec l'appareil sur les genoux. Je vous aime bien, mon petit. La radiodiffusion française vient de vous présenter par transmission différée la diffusion du spectacle de la Comédie française Salle Luxembourg à Paris. Vous avez entendu Les temps difficiles, pièce en quatre actes d'Édouard Bourdet. Avec le concours de Jean Debucourt, Louis Seignier, Jacques Charon, Robert Hirsch, Jacques Servière, Jean Pia, avec mesdames Béatrice Bretty, Germaine Rouer, Henriette Barrault, Moni Dalmès, Maria Fromet, Suzanne Nivette, Denise Pesani et Monsieur Drancourt, mise en scène de Pierre Dux. Nous vous rappelons qu'au début, la présentation de notre transmission était de Monsieur François.